Aventure d'un abolitionniste du Kansas dans le Missouri, récit du docteur John Doy, 1855. Chapitre 1er. Fondation d'un État, abolitionniste et esclavagiste, guerre civile. Le docteur John Doy n'est pas un grand voyageur. Il n'a pas fait le tour du monde. Citoyen des États-Unis, domicilié au Kansas, il a seulement visité, et même fort contre son gré, l'État voisin du Missouri. Encore ne lui a-t-il guère été permis par les esclavagistes que d'en visiter les prisons. Toutefois, son récit, dramatique et curieux, intéresse la géographie, au moins la partie de cette science qu'on appelle ethnographique. Il peint vivement des mœurs que, surtout dans les circonstances actuelles, on doit désirer de bien connaître. En 1821, lors de l'annexion du Missouri à la Confédération américaine, le Congrès avait décrété que l'esclavage ne serait pas autorisé dans les États situés au nord du 36e degré de latitude. Le territoire du Kansas, acheté en 1854 à des peuplades indiennes, devait donc être un État libre. Mais l'influence du parti de l'esclavage fit révoquer cette mesure par le Congrès de 1854, et cette dérogation au principe établi excita une vive indignation dans les États du Nord, surtout dans ceux de New York et de Massachusetts. Aussitôt, des meetings s'assemblèrent pour combattre l'introduction des esclaves sur le nouveau territoire, et on ouvrit des souscriptions destinées à y envoyer des colonies composées exclusivement d'abolitionnistes dévoués. La première troupe partit immédiatement du Massachusetts sous la direction du docteur Doy. Elle parvint sans encombre à destination et prit possession du pays le 1er août 1854. De nouveaux émigrants ne tardèrent pas à arriver. Bientôt après, on fonda la ville de Lawrence, la cité de refuge. Ces colons, on le voit, étaient en quelque sorte les apôtres armés de l'abolition. On comprend donc facilement qu'ils aient provoqué la haine de leurs voisins du Missouri, propriétaires et marchands d'esclaves. Les hostilités se manifestèrent d'abord à l'occasion des délimitations de terrain. Plusieurs colons du Kansas furent dépossédés par des moyens déloyaux et à l'aide de violences, toujours faciles dans une société naissante, qui n'a guère d'autre législation que la raison du plus fort. Mais ces persécutions partielles étaient insuffisantes pour chasser les abolitionnistes du nouvel État. Les Missouriens eurent recours à des mesures plus vigoureuses. Pendant l'hiver de 1855, une bande de 1500 d'entre eux vint camper à 6 000 de Lawrence et annonça l'intention de détruire la ville. Cette menace n'eut point l'effet qu'ils en attendaient. L'attitude résolue des habitants les contraignit à la retraite. Malheureusement, ils réussirent mieux au mois de mai de l'année suivante. Lawrence fut saccagé et en partie brûlé. Les femmes et les enfants furent outragés. Un certain nombre d'hommes furent massacrés. Les Border Ruffians, les brigands des frontières, commandés par les colonels Titus et Bufford et secondés par 2 compagnies de Virginiens, détruisirent les presses d'imprimerie, foulèrent aux pieds les récoltes et volèrent les animaux ainsi que tous les objets dont ils pouvaient espérer tirer profit. Pour prévenir le retour de semblables désastres, les abolitionnistes du Kansas se formèrent en compagnie, s'exercèrent au maniement des armes et dès le 12 août suivant, remportèrent un premier avantage à Franklin sur les maraudeurs. Pendant plusieurs jours, ils poursuivirent leur succès et firent même prisonnier le colonel Titus et qu'ils échangèrent contre un canon. Tout à coup, le 29 août, on apprit à Lawrence que le général Reed, de Missouri, était arrivé à Osawatomie avec 300 hommes. 30 hommes, sous les ordres de John Brown et du docteur Doy, leur tinrent tête le lendemain pendant plusieurs heures et ne battirent en retraite qu'après avoir épuisé leurs munitions. Enfin, le 14 septembre, une nouvelle troupe de 2800 Missouriens se présenta encore devant Lawrence, mais se retira sur l'injonction du gouverneur Jerry. À la suite de ces événements, le pays jouit pendant quelque temps d'une sorte de calme qui permit aux colons de réparer un peu les désastres passés. Les Missouriens semblèrent avoir renoncé à la guerre, soit qu'ils fussent effrayés de l'énergique résistance des abolitionnistes, soit qu'ils comptaient sur le temps pour arriver à leur but d'une autre manière. Ils se bornèrent à des attentats contre les personnes de couleur qu'ils enlevaient de vive force pour les vendre ensuite dans le Sud. Beaucoup de ces hommes de couleur étaient libres et pouvaient le prouver, mais les ravisseurs n'en tenaient aucun compte et ils brûlaient les papiers qui établissaient les droits de leurs victimes au titre de citoyens.